back to the future. To the future. J'ai la recette, j'prends en bucket, j'prends en levrette. À la lunette, à l'aveuglette, j'me cure les dents avec leur squelette. Comment faire face à la bête? Chien de l'enfer à deux têtes. Peut-être, jamais si tôt dans les narcos. J'veux voir ton clito dans le merco. J'ai du sirop dans le chardonnay. T'as les chicots dans le verre d'eau. Sachet dans le cartonnet. De la barbe jusqu'au nez. Ne sais pas pardonner, zoné, bébard, tu nous connais. J'veux la vie belle, j'suis un criminel, femelle. J'te crache sur le rimel. Approche de mes décibels, j'brûle comme le soleil. Tu repars, t'as le cul qui pèle. Y'a de la coke sur leur Mickey. Éteignez vos briquets. Attends la lumière du jour, tu vas voir leur crâne surappliqué. J'dois finir ma cassette, vider le AK-47. Sans tâcher mes frelons et mon nouveau polo EA7. Ont du retard sur le flow, ont du retard sur les instrus. J'leur baisse tellement leur daronne qu'elles ont même du retard sur leur monstru. J'veux la gagne macaque sur le macadam. J'suis pas glam, pas glam. J'rappe mon arme sur la colonne vertébrale. De la cam, au gramme, au gramme. Je la crame, je la crame. J'balance du napalm ou ma tatane, tatane. Frappe sale dans la transversale. J'suis de Paname comme Zlatan, Zlatan. De Chine, nouvel arôme. De spi, j'roule un cône. J'ai du même pas. T'en mets encore ta putain de main. J'te chie sur la paume. Blade pour moi, ils te répondront c'est un morge. Il ne fait que du sale, il veut rien savoir, il est pire que Guy George. Poids lourd contre trisomique, à la pesée des kilos. Tu vois flou gant noir sur automatique au lever du rideau. C'est dans ton bonda que je déferle. Ça te dérange mais tu fermes ta gueule. Tu restes hal, tu prends sur Watt. Comme quand le baron lâche des perles. Je veux les voir ramper, en me suppliant je kiffe. Mais en fait je les veux morts, avec supplément en frites. Je suis capable du meilleur, comme du pire. Et c'est dans le pire, que je suis le meilleur. 2-7-Z2RO poteau, qu'un double A et qu'est un Saltoum. Thérapie. Commencez par libérer Bison. 2-7-Z2R brave.